Y'a rien qui dit, frère. Calé dans un coin avec mes petits frères. Du lundi au dimanche, on est trop pisse, frère. L'impression de flotter dans le vide, merde. C'est une vide, merde, on se dit, frère. On fume de la weed ou bien du shit, frère. Que va-t-on devenir, ça c'est le mystère. Encore un peu de temps pour se satisfaire. Extase, N-O-R-G-P-L-L-E apostrophe V-I-C-E et puis N-apostrophe O-R. C'est eux les mecs du 13 A.K.A. Ex-Cost. Et c'est mieux quand on est qu'un, donc Marignan One L-O-V-E et Y-L-O. Et calé dans un coupé, calé sous une poupée ou calé sur un couplet, calé tout en souplesse ou calé dans une coupette, calé dans un mic en train de faire zouker mes zoulettes. Dans les blocs le son ta ta ta ta. Dans les caisses et les clubs ta ta ta. Pour mes gros et mes tap ta ta ta. Sur ton bout je vais ta ta ta ta. On a mis les deux pieds dans la zig. On combat pour décrocher le titre. Entends ça si tu kiffes c'est logique. Extase nord viens défoncer le bris. Venu pour étouffer l'effort des autres. On a la forme et on baisse ta mode. Juste une corde et on rappe à mort. C'est extase nord toujours assoiffé d'effort. On exploite l'art et on vient pour mettre d'accord. On tient la route même après les hématomes. Ça roule sur la page on vient te négocier la bonne. 137-2006. On t'informe, préviens ton grossiste et dis-lui qu'on rime des tonnes. On est atteint par le virus du hip-hop. C'est pire que le crack, accro dès la première. J'suis pas à plaindre, ne me demande pas si je me rappelle. Moi j'ai trop faim, je vois trop loin, je n'aime que rapper. Toutes les cartes on les brûle ainsi que la balle. On avance, faut des thunes, on l'oubliera pas. Le hip-hop est un putain de laboratoire. Trop de clones, trop de blocs, j'ai du mal à croire. Dans les blocs le son ta ta ta ta. Dans les caisses et les clubs ta ta ta. Pour mes gros et mes tap ta ta ta. Sur ton bout je vais ta ta ta ta. On a mis les deux pieds dans la zig. On combat pour décrocher le titre. Entends ça si tu kiffes c'est logique. Extase nord viens défoncer le beat. Sur R-A-I-D-E, yellow et nord. T'as vu il s'agit de ne pas perdre le nord. Dans ce rallye j'ai un appétit d'or. Je t'ai pas dit attends que je tire une taf ou deux. 4, 5, 6, 7. Sur R-A-I-D-E à la conquête de l'or. Je vais sortir la tête de l'eau car c'est pas dit que je sors de là. De la marijuana, nana, du rap. Oh oui qu'il est raide. D'Axa, Panam, je viens hisser le drapeau. A.K.A. Ferrari. Totalement raide le jour comme la nuit. Danse même le dambolo. Lobotomisé, ma tête dans la sono. C'est dans le rap, j'ai mis ses gros. Je vis dans l'accoutumance et je danse. Tu danses. Ouais, mais qu'est-ce que tu me paradines. Je vis sans un radis, j'ai pas une thune et je danse. Trop souvent raide, t'as une sale mine. Ouais, j'ai les mêmes poumons qu'un homme qui t'offre à la mine. Dans les blocs, le son ta ta ta ta. Dans les caisses et les clubs ta ta ta. Pour mes gros et mes tap ta ta ta. Sur ton bout, je vais ta ta ta ta. On a mis les deux pieds dans la zig. On combat pour décrocher le titre. Entends ça si tu kiffes c'est logique. Extase nord viens défoncer le beat. Le bis musique nord. Tout de suite. Son unique. Boy, boy. Fais péter ça. Extase musique nord. Tu suis. Et si tu kiffes. Le son ta ta ta ta. Dans les caisses et les clubs ta ta ta. Pour mes gros et mes tap ta ta ta. Sur ton bout je vais ta ta ta ta. On a mis les deux pieds dans la zig. On combat pour décrocher le titre. Entends ça si tu kiffes c'est logique. Extase nord viens défoncer le beat. Dans les blocs le son ta ta ta ta. Dans les caisses et les clubs ta ta ta. Pour mes gros et mes tap ta ta ta. Sur ton bout je vais ta ta ta ta.